Unité 1, entraînement au DELF A1. Compréhension de l'oral. Les clés de l'annonce vocale. Exemple. Dernier appel pour les passagers du vol Air France 5871 à destination de New York. Vous êtes prié de vous rendre immédiatement, porte 38.